on l'a retrouvé finalement. J'étais quasiment inquiet. Normalement, il me répondait tout le temps, il me textait tout le temps. Dès que je l'appelais, j'avais toujours un retour d'appel. Mais là, ça faisait 3 jours, j'avais pas de retour d'appel. Puis j'avais dit à Philippe Brasseur de la revue Pôle Position, vérifie donc voir si Patrick Carpentier serait pas décédé. T'avais un gros scoop. Mais là, on l'a retrouvé. Il est bel et bien en vie. Salut, Pat. Hey, salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Donc, je suis content de voir que tu étais en vie ce matin. Fait que c'est... Moi aussi. Hey, Pat, je t'appelle parce que grosse nouvelle. C'est incroyable. Moi, j'en viens pas. Évidemment, je m'intéresse aux médias. Fait que c'est sûr que ça m'intéresse. Je trouve ça terrible, là. Mais il y a eu une grosse nouvelle au cours des derniers jours. Frank Williams qui est décédé. C'est une grosse nouvelle parce que ça touche également le Québec. Là. C'est pas juste la Formule 1 qui normalement devrait ça devrait faire réagir le monde de la Formule 1, ça c'est normal. Et au Québec, Frank Williams, s'il donne pas la chance à Jacques Villeneuve, on vit pas ce qu'on a vécu là. Puis à la fin des années 90, jusque probablement au retrait du... je suis content que Jacques Villeneuve soit en F1. Si Williams donne pas la chance à Jacques, on vit pas ce qu'on vit là. Ce qu'on a vécu, ça. Oui, exactement. Oui, non, c'est lui qui... C'est lui qui a vraiment donné la première chance à Jacques, puis en plus dans une des meilleures équipes. À cette époque-là, ouais. Williams, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. C'était vraiment une des meilleures équipes du plateau. Damon Hill était là aussi, se battait pour le championnat du monde. A permis à Jacques aussi d'aller chercher le championnat du monde par la suite. Puis ils ont vraiment, ils ont vraiment bien monté ça. Évidemment, Rotman est arrivé... aussi, puis on a donné 5-6 000 km d'essai à Jacques, ce qui a permis de se préparer pour la saison, puis qui nous a donné tout un spectacle. Écoute, ça a été vraiment le sommet du sport automobile, avec la filière Players du côté qui a amené Jacques aussi en F1. On avait ça de notre côté, on avait Jacques en F1. Ça a été une période, je suis même pas certain qu'on va revoir une période comme ça dans le futur, tu sais, mais ça a été, moi je trouve en tout cas, avec Gilles Villeneuve, oui, ça a été une belle période à l'époque, mais il n'y avait pas les ressources qu'on avait au moment où Charles, les Grands Prix n'étaient pas télédiffusés, tout télédiffusé, c'est ça la différence. Combien de monde qui se levait à 8h le matin, le dimanche matin, pour suivre Jacques, là, c'était aussi fort que le hockey dans le temps, non? Oui, c'était très, très fort, puis je me rappelle. Puis il faut pas oublier, tu sais, non plus une grosse partie de ça, évidemment, ces players voyageaient, tous les journalistes à toutes les courses. Il y avait un effort global, je te dirais, national au Canada pour le sport automobile. C'était vraiment la mode, c'était ce qui se passait. Jacques Tintin, en plus, il se battait pour le championnat du monde. C'est ça qui était... différent. T'sais, Frank Williams, il a permis vraiment d'avoir les outils pour se battre le championnat du monde, puis c'est ça que le monde a aimé, puis je me rappelle avec Michael Schumacher, quand il s'était accroché, puis écoute, pour revenir à Frank Williams, tout un bonhomme, c'est lui qui a eu la plus longue tenue d'une équipe, une cinquantaine d'années en F1, ça avait, puis écoute, il a vécu beaucoup de choses, Frank Williams, il a perdu des pilotes, certaines semaines, je pense. Accident qui est venu, qui l'a paraplégique, tu sais... Exactement, Pierce Courage d'assez de début qu'il avait engagé. Ça a été, puis il y a eu son accident automobile aussi devenu. Ouais, c'est ça. Écoute, c'était tout un bonhomme. Il a continué à se battre. Il a été chez les championnats. Moi, une belle époque de Frank Williams que j'avais aimé, c'est quand Nigel Mansell pilotait pour lui, puis il se battait avec Senna. Puis ça, c'était. Moi, j'ai commencé, je vais te dire, ben honnête avec toi, je vais être. Je me suis intéressé à la course automobile avec Jacques. Ça en prend un, comme dans d'autres sports. On s'est intéressé au tennis à cause de Eugénie. Eugénie Bouchard. On s'est intéressé aux arts martiaux mixtes à cause de Georges Saint-Pierre. Ça en prend un pour tracer le chemin. Puis, gars, je veux, avant de continuer sur Frank Williams, Pat, quelque part, là, vous en avez tous bénéficié. Tu me disais en dehors des ondes, et à juste titre, moi je pensais que c'est grâce à Frank Williams qu'on avait arrivé Patrick Carpentier, mais tu m'as dit, puis tu me rappelais à mémoire, non, c'était déjà commencé, puis ça avec raison. Là. Sauf que moi, je me suis intéressé à Patrick Carpentier. Pourquoi? Parce que Jacques Villeneuve était en F1, donc, puis toi, c'était la même année. Je pense que l'arrivée de Villeneuve en F1, c'était cette année-là, justement, que t'as brisé le record de Gilles Villeneuve en Formule Atlantique. C'était-tu la même année? Oui, c'était... en 96, je pense que c'était l'année d'avant. Exactement. OK. Oui, c'est ça. Puis Jacques Talent F1, moi j'ai monté IndyCar Encore? par la suite. En réalité, ben moi j'avais pas monté avec Player, j'avais Ouais. monté avec Bettinghausen. une Bettenhausen Alumax, une Ouais. aluminerie du Québec, à part de ça, Ouais. qui était dans le nord du Québec. Puis après ça, j'avais été chez Players, c'est Ouais. Link Racing qui m'avait monté. J'avais pas suivi la filière Players. Quand je suis arrivé dans la filière Players, j'étais déjà en Indy. Mais non, tout ça mis ensemble. Puis, tu sais, faut pas diminuer ce que Players ont fait dans le temps. Parce que honnêtement, je pense à Greg Moore, je pense à Paul Tracy, je pense à. Ami. T'sais, ça a été une grosse partie du sport automobile Ouais. canadien. Puis si Players n'était pas là, il n'y avait pas de Jacques Villeneuve en F1, j'en suis convaincu. Ils ont vraiment bâti le terrain, ils l'ont monté. Puis Frank Williams, comme tu mentionnais, ça prend tellement de monde, puis tellement de gens qui embarquent. Puis écoute, ça a fait partie de l'affaire. Puis ça prend un gars qui est capable de gagner, puis Ah Jacques oui. gagne. Et c'était Philippe Brasseur de pole position, là. À juste titre, me rappelle, puis je m'en rappelle très bien. C'était pas. Il fallait avoir du courage pour emmener Jacques Villeneuve en F1 à faire des essais en 95 parce que il y avait une rivalité entre l'IndyCar et la F1. Tu sais, c'était très, très snobé, l'IndyCar en Europe, là. Hein? Ben, il y avait peur. Ça a été les années où, Ouais. je me rappelle à Yellowstone, à un certain moment donné, quand Mansell a traversé à IndyCar, Ouais. puis là, il commençait à avoir des pourparlers. Puis la IndyCar avait, je pense que c'était 24 ou 25 épreuves dans cette année-là. C'était rendu international. Je me rappelle, on allait au Japon, en Australie, en Allemagne, en Angleterre, au Brésil, au Mexique. Ben, tu sais, on faisait le tour du monde pratiquement, là. Fait que c'était Canada, États-Unis aussi. Fait que c'était rendu vraiment gros. Puis là, Mansell l'avait traversé. Il y avait des discussions que Senna, peut-être, Ouais. Ah ouais, c'est là, je pouvait me rappelle s'en pas. venir à OK. Non. IndyCar. Non, Ouais, je me OK. rappelle de ça très bien quand il négociait avec McLaren. Il coursait course par course. Il y avait même rumeur que peut-être il viendrait tester à IndyCar. Puis c'est là que je me rappelle que Silverstone avait comme fait, oh, c'est donc bien rendu populaire. Puis je me rappelle, la Fontana, on courait dans le temps, à cette époque-là, les estrades étaient pleines. J'ai jamais, jamais vu que ce soit dans NASCAR, n'importe quoi, les estrades pleines à Fontana. Puis à IndyCar, Ah non. ça l'était. C'est fait que c'était vraiment un threat à la F1, puis c'était rendu quand même gros. Mais tu sais, la F1 va toujours rester la Ben, F1. c'est ça. On va en parler. L'héritage de Frank Williams. Évidemment, au Québec, ça passe incognito, sauf que je suis abonné à des revues, à des sites français, entre autres. En Europe, c'est très gros, évidemment, l'histoire de Frank Williams. C'est avec raison, là. Rien qu'au Québec, que c'est pas, qu'on n'en parle pas, là. Rien que les Canadiens qui existent, mais ça, c'est une autre histoire. Mais Frank Williams, si Bernie Ecclestone a réagi, puis je pense que tu vas lui donner raison, la F1 n'aurait pas survécu sans Frank Williams. Ah, écoute, c'est fort, Hein? fort possible. Frank Williams a été, tout comme Ron Dennis à Ouais. l'époque, là, c'était des gars qui partaient de rien. Frank Williams est parti dans une manufacture de tapis. Ouais. Il a parti son affaire avec Pierce Courage. Il y a eu un gros accident, ça l'a arrêté. Après ça, il y a eu des sous. Il a engagé Alan Jones. Il a été chercher des commandites. Il a été chercher le championnat du monde. Écoute, il a travaillé fort, puis à un moment donné, il a été chercher Patrick Head, qui a été Ouais. responsable de beaucoup Adrian de Newey aussi, je succès. pense. Qu'il y a eu, ouais, Adrian Newey qui est toujours là. D'ailleurs, qu'on a failli perdre. Il y a eu une grosse, grosse, grosse accident de vélo, s'est fait frapper. Puis là, je viens de voir qu'il est revenu sur les circuits là, dans les dernières épreuves avec Red Bull, justement. Il n'est plus chez Williams, là, mais il était là dans le passé. T'sais. Fait qu'ils ont vécu toutes sortes d'affaires, des hauts et des bas dans le sport automobile, un peu comme nous autres, on avait fait à IndyCar. Mais Frank Williams, écoute, pour moi, là, de persévérance. Quel exemple de persévérance, puis de jamais arrêter l'accident. L'équipe tombait presque à l'eau quand il a eu son accident. Il est revenu pareil par après. Il a continué à mener ça d'une main de fer. Non, ça a été vraiment, vraiment, vraiment une grande, grande, grande partie de la F1. Je suis vraiment d'accord avec Bernie Ecclestone. C'est un des pionniers qui a monté la F1. C'est tout qu'une nouvelle. Pat, évidemment, il y a d'autres nouvelles que je veux te parler. Écoute, c'est en fait, j'en ai parlé avec Philippe Brassard, mais je veux avoir ta réaction. La série Drive to Survive, apparemment, qui fait une grosse job aux États-Unis. Écoute, la F1 a dépassé le NASCAR dans les codes d'écoute aux États-Unis. Il n'y a personne qui aurait dit ça il y a quelques années, là. Tu sais, comment que dans le temps de Bernie Ecclestone, comment qu'on a tenté de percer le marché américain, c'est allé à Détroit, c'est allé à Indianapolis, c'est allé à Las Vegas, c'est allé partout, là. Puis ça marchait pas. Puis là, évidemment, la F1 est maintenant partie d'une compagnie américaine, mais écoute, il y a du monde qui disent que c'est à cause de Drive to Survive. Moi, je crois pas. Oui, ça a un lien. Sauf que moi, là, Pat, on en a parlé souvent dans nos chroniques. Les courses de 4 heures, c'est trop long en NASCAR. Et ça, là, ça a un lien. Tu sais que la F1, c'est 1h45 maximum. Puis ça, je pense que ça a un gros, gros lien également avec ce qui se passe. Es-tu d'accord avec moi? La dureté, là, de... Oui. Ouais. Ouais, je pense que les courses NASCAR sont un petit peu longues de ce côté-là. Tu sais, on a des bonnes fins de course, on a des bonnes courses, mais vraiment, là, des courses de 4 heures, c'est vraiment beaucoup de ce côté-là. Tu sais, je ne suis pas sûr que le fait que les courses sont plus courtes, c'est ce qui fait que la F1 est devenue populaire. Je pense que, comme Philippe il dit, Drive to Survive Ouais. sur Netflix, vraiment fait découvrir les dessous de la F1. Parce que le monde regardait la F1 souvent, c'est comme, OK, c'est un auto qui va vite. Mais quand ils comprennent les dessous, ce qui se passe, les enjeux, les contrats, les chicanes, les tout ça, Mais moi, je l'ai pas tout tout ce qui suivi, est à c'est l'intérieur, non, moi non plus, mais tu sais, tout ce qui est à l'intérieur de la F1, ça lui donne beaucoup d'intérêt. Faut pas oublier non plus que la cote d'écoute, c'est certainement celle du Texas dont Philippe parle. Faut pas Là, c'est en oublier que ça doit général, ce sera paraître. en général, Ouais, semble-t-il. wow, c'est vraiment impressionnant. Puis, mais tu sais, au Texas, c'était plein, Ah plein, plein, plein. Faut pas oublier que Perez en attire beaucoup de ouais. Ouais. latinos vers la F1, surtout au Texas. C'est une place comme Las Vegas, ça, où il y en a. La population est assez grande. Fait que ça, moi, je pense que ça contribue un petit peu aussi. Puis, honnêtement, c'est l'image qu'on a donnée à F1. Puis, comme tu dis, ça appartient à Liberty Media, qui est une entreprise américaine maintenant, qui a monté ça. Le gars, vraiment impressionnant de ce qu'il a fait avec la F1. Moi, je pensais qu'après Ecclestone, il n'y a pas grand monde qui pouvait continuer à faire, à populariser puis à aider la F1, puis eux autres, ils ont vraiment fait un excellent Est-ce que ça travail. va aider la monoplace aux États-Unis? Est-ce que l'IndyCar, parce que l'IndyCar, on n'entend pas parler beaucoup, là, Pat, mais est-ce que l'IndyCar peut revenir intéressant? Ce qui se passe avec la F1, c'est de la monoplace, c'est différent. Ça peut-tu aider le NASCAR aussi, l'IndyCar? Ben, l'IndyCar, écoute, oui, parce que je ne sais pas si ça a rapport avec la F1 ou pas, mais McLaren la s'est rentré là-dedans, IndyCar, c'est pas mauvais non plus. oui, la IndyCar revient. Et je te le dis, Ouais. dans les dernières années, là, le spectacle de la IndyCar, et ben, écoute, j'ai recommencé à écouter ça. Je ne veux pas écouter ça. Ça fait des années, j'ai des gars des États-Unis, Terry Griffin en Californie, qui m'écrit, on parle de la IndyCar, puis avec Grosjean qui vient de la F1, qui s'en va Puis là, à McLaren, IndyCar. ça va aider la notoriété, je pense, de Ouais, ça a un petit bout que McLaren la... Ouais. sont là. Je pense que je te dirais, ce qui aide plus la IndyCar, c'est la gang de jeunes qui sont là. Colton Herta, qui est un pilote exceptionnel. C'est lui d'ailleurs qu'on suggérait qu'il aille à F1 si Andretti avait réussi à prendre une partie de l'équipe d'Alfa Romeo. Mais t'as Colton Herta, écoute, t'as des gars qui sont O'Ware, qui est très rapide, là. C'est des jeunes pilote vraiment fascinant. Tu sais, il y a eu des années où la compétition était pas là, pantoute, pantoute. Il y avait pas, c'était vraiment ennuyeux. Les autos sont belles, de un, ils sont attirantes, ils sont rapides. Ils recommencent à avoir des autos super rapides. Le show est bon. Puis en F1, tu sais, oui, il y a Netflix, oui, il y a ci, il y a ça, mais faut pas oublier que le championnat cette année, la bagarre qu'on a entre Verstappen puis Hamilton, ça fait des années qu'on n'a pas vu ça. La dernière, je pense, c'était avec Nico Rosberg puis Hamilton, mais que ça se rende jusqu'au bout comme ça. Toutes les courses, c'est dramatique. Il y a un déroulement incroyable. Ça aussi, ça l'aide à la F1. Tu sais, quand tu écoutes des fois, puis je dénigre pas le NASCAR parce qu'on a eu vraiment des bonnes courses, mais tu sais, quand ça tourne en rond pendant 2 heures puis il se passe pas grand-chose, C'est sûr qu'à un moment donné, le monde aujourd'hui, ils ont besoin d'action, ils ont besoin. On a eu des grands c'est d'ailleurs la ra- aussi, ben oui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle NASCAR, F1 s'en vont vers une nouvelle voiture l'an prochain pour essayer encore une fois d'améliorer ça. Mais tu sais, la F1, je suis un peu inquiet. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec la voiture l'an prochain. Ouais. Parce que le spectacle est tellement bon cette année, je me dis, changez rien, c'est parfait, tu sais. Ok. Hey Pat, Raphaël le sort, on n'entend pas parler de rien. Là. Non, ça fait longtemps que j'ai pas. Ouais. Tu penses que ça va être qu'il va revenir? Penses-tu qu'il va. Tu sais, il avait comme pris une pause, là. Penses-tu qu'il va revenir en camionnette sur des. Est-ce que tu sais si. Ben, c'est ton ancien agent Alain Labrosse. Il y avait une histoire à un moment donné qu'Alain Labrosse avait été sorti par la famille. Ça ne sentait pas bon, cette histoire-là. Puis Alain Labrosse a des entrées partout. Penses-tu qu'en deux. Ben, on va en reparler plus dans la revue de l'année, mais penses-tu que Raphaël va revenir en 2022 ou t'as pas entendu parler de ça? Oui, c'est. Non, ça, c'est une situation. Tu sais, c'est pas. Moi, en tout cas, je regarde pas nécessairement la famille ou Alain ou Robert Desrosiers. Robert, je connais bien, qui a travaillé avec eux autres aussi. Le problème, là, c'est pas. Si la série était au Canada, si NASCAR était au Canada, Raphaël, il aurait passé, Alex Labbé aurait passé, Andrew Ranger, il gagnait, il était commandé par Waste Management, il roulait en avant, il gagnait des courses. Tu sais, il n'aurait des gars là, du Canada, du Québec qui seraient en NASCAR parce que le niveau de talent qu'on a ici est super impressionnant, tu sais. Puis pour Raphaël, je vais te le dire, non, ça marche. Je pense pas que ça va marcher parce que pour développer un pilote, puis ça c'est le celui qui est à la tête de TRD qui l'a dit. Quand tu montes un pilote jusqu'en COP pour qu'il soit prêt à gagner en COP, c'est 20 millions. Si tu calcules toutes les années. 20 millions là, c'est je comprends. Si tu calcules toutes les années. De quand il commence, puis en ARCA, puis après le montée. Puis je regarde le petit Ty Gibbs. D'après moi, ils ont déjà rendu à 5-10 millions dessus, le petit gars, là, tu sais, pour qu'il monte. Puis Raphaël, oui, il a monté en pick-up, mais les gars, il y avait des investisseurs, mais il n'y avait pas les moyens. Il coursait en pick-up, il faisait pas d'ARCA quand il était en pick-up, il tournait plus, il se préparait pas avant le week-end. Il est arrivé quand que COVID est arrivé, ils ont coupé les pratiques, puis les qualifs, ça l'a tué complètement. Tu sais, c'était une situation, le timing, dans la vie, des fois, les Anglais ils disent « timing is everything ». Ben Raphaël, écoute, zéro timing. Il est arrivé quand ils ont tout coupé ça, il est arrivé quand les prix étaient exorbitants. Tu sais, ça. Puis je pense pas, je regarde Alex Labbé, c'est un phénomène comme pilote. Tu sais, les budgets qu'ils ont, puis comment... Il n'est même pas approché par... C'est là qu'on voit que c'est l'argent. Parce que je me sens qu'avec le peu d'argent qu'ils ont, il aurait pu être approché. Mais ça, ben, c'est là. Ouais, c'est l'argent, mais la nationalité aussi. Okay, ouais. L'argent de la nationalité. C'est parce que s'il était, je te garantis que si Alex Labbé, ça serait Alex Labbeyer, puis il viendrait du Minnesota, il serait en top. Je peux te le dire, d'une bonne équipe. C'est un peu comme ça, puis je le sais, je l'ai vécu. C'est tant que tu injectes des millions, oui, ça marche, mais ça prend quelqu'un pour les injecter, tu sais, parce que je reviens toujours à ce que je disais. Mettons, c'est au Canada, tu veux populariser un produit, il y a une grosse série canadienne, et même si c'est une compagnie américaine qui fait affaire au Canada, tu n'iras pas chercher un Américain, tu vas aller chercher un Canadien pour promouvoir ton produit au Canada. Puis je regarde Bombardier, puis j'étais un peu fâché après eux autres au début, pourquoi ils n'ont pas embarqué avec Raphaël quand ils étaient en camionnette, puis ils ont embarqué avec, voyons, j'oublie son nom, en tout cas, ils ont embarqué avec un autre pilote qui a gagné le championnat en camionnette justement. Là. Mais pourquoi? Parce qu'ils veulent vendre des produits aux États-Unis avec les Américains, puis je les comprends. Puis c'est là le problème des Canadiens à monter en NASCAR, c'est que des couches-tard, ils ont Specialty, je pense, aux États-Unis. C'est immense. Ils pourraient commanditer un Québécois, mais sauf que s'ils veulent vendre le produit aux États-Unis, ils vont prendre un Américain. Fait que le problème, il est là. OK. Hey, en terminant, Patrick, on ne s'est pas reparlé, ça fait longtemps. C'est pour ça qu'on met notre placotage à date. Jacques Villeneuve a remporté 2 courses en NASCAR Europe à la fin de l'année. C'est je sais pas, là, je voulais pas t'en parler en dehors des ondes, j'aurais dû t'en parler en dehors des ondes, mais au niveau compétition, ça équivaut-tu à la Pintees? C'est-tu plus fort que la pénalité? C'est-tu, les budgets sont-ils plus gros? C'est, les pilotes sont-ils meilleurs? De quelle série tu parles? Parce que Jacques Excuse-moi, Villeneuve a j'ai. gagné les deux dernières courses à NASCAR Europe. Oui. OK. Un niveau Mais je compétition, un pourrais niveau pas. calibre, c'est-tu plus fort que la pénalité au Canada? Écoute, je ne sais pas, je peux pas, OK. j'ai pas suivi NASCAR Europe. Ce que je peux OK. dire, c'est que la Penske est très, très, très OK. compétitive au Canada. T'as des gars, écoute, t'as des gars de full, très, très, très talentueux, Lee Dumoulin, Tag, Ouais. Lacroix, là. Non, non, les gars, c'est des machines. Pareil, là, c'est Andrew qui est Ben là-dedans, en moi, Alex plus, Abbé là, m'a dit des... que c'était comparable. Ben, je suis certain que ça l'est. Écoute, au début, ça l'était pas. C'est une OK. série vraiment un peu tout croche. OK. Jacques bénéficie d'une d'une bonne voiture. Puis apparemment qu'il viendrait peut-être faire des courses en NASCAR l'an prochain, Ouais. ici, de ce côté-là. Mais non, non, mais Jacques, c'est pas un mauvais pilote. Moi, j'ai toujours trouvé que Jacques avait besoin d'essais. Si tu lui donnes des essais, il va gagner des courses. OK. Jacques, s'il n'y a pas d'essais, c'est pas quelqu'un qui, je ne sais pas comment dire ça, qui s'adapte rapidement, Ouais. mais quand il s'adapte, il est Regarde, on très l'a vu dur en à battre. F1, hein? Comme Oui, l'année qu'il a gagné, ben, là, c'est. IndyCar, F1, ça a toujours été ça. En F1, l'année qu'il a roulé, je pense qu'en essai privé, c'était lui, c'était eux qui avaient fait le plus de kilométrage, Williams, dans le Ben temps. oui, c'était entre 5 et 6 000 km, c'est énorme. Ouais. Mais sauf qu'après ça, il n'était plus battable. Ouais. C'était. Fait que il y a des pilotes qui fonctionnent comme ça, puis il y a des pilotes. Ben, tu OK. sais, Ty Gibbs, je reviens encore à cet exemple-là, le petit gars tourne 5 jours par semaine, tu sais. Fait que c'est ça qui fait qu'il Bon, j'imagine réussit. que NASCAR Europe, ça doit avoir plus d'argent que normalement. Il doit avoir plus d'argent normalement que la pénalité. J'imagine. Je sais pas, on sait Je ne pas. sais pas, c'est pas. Je pense pas que NASCAR en Europe, OK. c'est la plus grosse série, là. Tu sais, c'est pas. Non, c'est. OK. Là, en Europe, c'est bien F3, c'est bien la F2, c'est bien axé Rallye aussi, le là-dessus. rallye. Les touring cars, les 24 heures du Mans, les Le courses rallye, d'endurance, ouais. les. Ouais, le rallye, beaucoup, championnat du monde de rallye, tout ça. NASCAR, je pense pas qu'il est dans le haut de la liste, mais ça veut pas dire que c'est pas compétitif pour ça. OK. Pat, on se reparle dans le temps des fêtes pour la revue de l'année, si tu te permets. Ben oui, ce serait super cool. OK, Pensez à toi. notre ami Merci. Patrick Carpentier, puis je suis content de t'avoir reparlé. On commençait à regarder les avis de dessin. Fait que notre ami Patrick Carpentier.